Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Les grandes époques géologiques. Sol primordial, sol de transport et de sédiments, cinq grandes époques géologiques, époque primitive ou jazoïque, époque de transition, comprenant la période carbonifère, époque secondaire, caractérisée par les reptiles, époque tertiaire, caractérisée par les mammifères, époque quaternaire, caractérisée par la venue de l'homme. À cette dernière époque se rattachent la période glaciaire et le déluge biblique. Nous venons de parler de la présence des fossiles à l'intérieur du globe, mais la Terre n'a pas toujours été habitée, elle n'a même pas toujours été habitable, il y a donc des endroits où il n'en existe pas de traces. De là une première division des terrains en deux groupes, savoir le terrain où l'on ne rencontre pas de fossiles et qu'on a nommé sol primordial, parce qu'on suppose qu'il a recouvert, de toute ancienneté, le noyau terrestre. Le terrain où l'on rencontre des fossiles et qu'on a nommé sol de transport et de sédiments parce que, plus superficiel que le premier, il est principalement formé par des matières transportées par les eaux ou déposées par elles. Mais, si sa division suffise pour donner un aperçu sommaire de la composition du globe, elle serait par trop limitée pour fournir les éléments de son étude géologique. D'où la nécessité de les étendre davantage. Or, ce sont encore les fossiles qui nous en procureront le moyen. C'est que les fossiles sont disposés par plan à l'intérieur du globe, comme le sont les étages d'une maison, ce qui permet leur classement méthodique. De même en effet que, dans une maison, le rez-de-chaussée a été construit avant l'entresol, l'entresol avant le premier étage avant le second, et ainsi de suite jusqu'au faîte de l'édifice. De même, le premier plan de fossile a été créé avant le plan qui est au-dessus, celui-ci avant le plan supérieur, cet autre avant le plan plus supérieur encore, et ainsi de suite jusqu'au plan le plus élevé. Les fossiles peuvent donc servir à reconstituer, par la place qu'ils occupent, la création dans l'ordre même où elle a eu lieu. Il suffit, pour cela, d'en faire le dénombrement, en procédant du plan le plus bas au plan qui couronne le tout. Ainsi a procédé la science, elle a remonté de la sorte jusqu'à l'origine même de la Terre, comptant et déterminant les diverses époques que celle-ci a successivement traversées, depuis le premier moment où les êtres organisés ont paru à sa surface, jusqu'aux dernières révolutions dont elle a été le théâtre. Ce sont 16 époques qui servent aujourd'hui de point de repère et d'étape à la cosmogonie. On les a, pour la commodité des descriptions, ramenées à 5, que nous acceptons parfaitement. Voici donc ces 5 époques, dans l'ordre de leur classement. Premièrement, époque primitive. Deuxièmement, époque de transition. Troisièmement, époque secondaire. Quatrièmement, époque tertiaire. Cinquièmement, époque quaternaire. Entrons maintenant dans quelques explications sur le caractère distinctif de chacune de ces époques. Premièrement, époque primitive. On l'appelle ainsi parce que le terrain qui la constitue forme la base de toutes les assises minérales du globe. Partout, en effet, où l'on a pu fouiller le sol assez profondément, on est arrivé au mica schiste, qui repose sur le granit. Le granit est donc comme la grosse charpente de la Terre. On appelle encore cette époque jazoïque, À cause de l'absence absolue de tout vestige de vie tant animal que végétal. C'est même cette absence qui forme sa caractéristique. Deuxièmement, époque de transition. On l'a ainsi nommée parce qu'elle sert en quelque sorte de passage entre l'absence absolue de toute vie sur le globe et les premières manifestations de la vitalité. C'est dans les eaux que la vie a commencé à éclore. Chose bien digne de remarque, les polypiers, qui ont apparu dès la première heure, ont traversé tous les âges, et leur race s'est conservée jusqu'à nos jours, alors que tant d'autres espèces bien autrement puissantes ont été complètement anéanties. C'est à cette époque de transition que se rattache la période carbonifère. Troisièmement, époque secondaire. Tandis que, pendant l'époque de transition, notre globe appartenait aux êtres inférieurs qui vivent dans les eaux, mais surtout aux crustacés et aux poissons, pendant l'époque secondaire il appartint aux reptiles. Ceux-ci revêtirent des dimensions étonnantes et se multiplièrent à l'infini, ils furent même à un moment les rois de la création. Quatrièmement, époque tertiaire. Ce qui caractérise par-dessus tout cette époque, c'est l'apparition de la grande classe des mammifères. Ces animaux n'arrivent pas en petit nombre ni à des intervalles éloignés, ils semblent plutôt surgir spontanément du sol en quantité telle que les continents s'en trouvent au même instant, non pas seulement peuplés, mais inondés. La végétation offre, de même, une exubérance de sève et une richesse de produits réellement extraordinaires. C'est le moment où les fleurs brillent de leur plus vif éclat. Elles semblent provoquer le développement des insectes, qui se multiplient de leur côté dans des proportions tout à fait insolites. C'est, en un mot, le plus merveilleux épanouissement de la vie animale et végétative qui est encore paru depuis la création. Cinquièmement, époque quaternaire. Il n'existe pas entre cette époque et l'époque précédente une ligne de démarcation bien tranchée, sous le rapport zoologique, puisque les grands mammifères qui constituent, aujourd'hui encore, les principales espèces du globe, remontent à l'époque tertiaire. Mais c'est l'époque quaternaire qui a vu naître l'homme. Or, cet événement domine tellement tous les autres qu'il les efface et, on peut le dire, les absorbe. C'est au point qu'on désigne quelquefois l'homme sous le nom de l'homme quaternaire. Les seuls grands cataclysmes qui troublèrent cette dernière phase de l'histoire de notre planète furent la période glaciaire et le déluge biblique. Ils seront de notre part l'objet, le second surtout, d'une étude particulière. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.